Bonsoir et bienvenue au Cirque Aquatique Magique. Et ce soir, petit spécial en l'honneur d'un dictateur que l'on aime beaucoup qui s'appelle Régis Labeaume. Alors, la semaine dernière, c'est comme un concept. La semaine dernière, c'était Pierre-Carl Péladeau, maintenant c'est Régis Labeaume. Ces hommes qui dirigent le Québec. En votre compagnie, François Gécouillard, et on commence immédiatement avec une pièce de Comintern qui s'intitule « Hommage au maire de Tours ». Et le maire nous a confié que ce n'était tout simplement pas beau. Ben, c'était pas beau. Le pire, c'est que, tu sais, ça avait été beau au moins. Mais c'était pas beau. Tu sais, moi, je pensais dans ma tête que ça serait beau, mais c'était pas beau. Pas bien compliqué. Si ça avait, au moins la beauté avait été là, mais ça marchait pas. Parce que l'air de rien, c'est assez haut, c'est un amphithéâtre, là. Hein? Alors, Marie-Maude, le maire promet qu'il y aura quand même un... Ah oui. On s'est inspiré d'une chanson de Paul McCartney. Ah oui. Ouais. M'en voulait faire entendre, puis m'en voulait donner après. C'est ça. Musique. C'est au village de Maestro, Louis, qu'a grandi Barack Obama, avec son amie Madonna, pendant qu'Angelina Jolie flirtait avec son premier chum, le très sensuel roi bonhomme. Les Beatles commençaient au Dagobert et Tom Cruise chez Ashton. Les Rolling Stones s'habillaient à Val Belair et Bill Gates chez Simons. Régis Labeaume, Régis Labeaume, Montréal, ta terre, qu'est-ce qu'il faut faire? Peux-tu être notre maire? C'est Régis Labeaume, Régis Labeaume, Régis Labeaume, Régis Labeaume. Maurice Labeaume. C'est quoi la réponse à la question? J'ai pas la qualité de lecteur. Ou tu veux un crocodile ou tu veux un lion. Puis quand tu essaies de faire les deux, ça te donne un croco-lion. Et un croco-lion, ça donne un animal assez bizarre. Un crocodile, c'est clair, puis un lion, c'est clair. Mais un croco-lion, c'est... Et là, on se ramassait avec un croco-lion. Mais on va être capable de faire les rappels historiques nécessaires. Vous allez voir le temps venu, là. Ça marchait pas, puis ça a plus de sens aussi créer le contexte en fonction de la façade. Tu sais, il y a quelque chose qui marche plus. Alors, au lieu d'avoir un croco-lion, vous allez avoir un lion ou un crocodile. J'ai le feeling que notre mère c'est le plus meilleur mère, que la bombe c'est le plus meilleur mère, que Régis c'est vraiment un good good mère. Que notre mère c'est le plus meilleur mère, que la bombe c'est le plus meilleur mère, que Régis c'est vraiment un good good mère. Le rouge et or, au Super Bowl, je m'ennuie mes nantiques, ramène les dons, on veut pas juste éclairer le pont, je veux la bombe, un TGV. La pyramide de Khéops me semble cavanier, ça serait un peu plus haute, je sais. Tu es sur d'autres dossiers, comme les Nordiques avec toi, ça va se régler. On veut la coupe, badaboum, le trompettiste, Colisée, now, le 500e, l'année prochaine. On veut la coupe, avant qu'on retourne à Montréal. Let's do it, let's do it, let's do it, moi j'ai le feeling. Camérès doit être tout à l'envers, que Régis c'est le roi de l'univers, que Québec c'est lui qui l'a découvert. Québec sa map, hey! Régis le pape, Régis le pape. J'm'ennuie de mes Nordiques, ramène-les-moi. Vas-y mon Régis, coach les dons, ouais. Pis dans les goals, Patrick Roy. Êtes-vous membre du fan club de Régis Labeaume? En tout cas, si vous l'êtes, vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup de radios populistes à Québec qui trippent ben raide dessus, si bien qu'ils font des pièces sur lui. On a entendu les pièces, les noms de pièces, je les ai pas. Alors, j'ai inventé des noms. La dernière pièce, je l'ai appelée « Régis, c'est le plus meilleur maire ». On a entendu aussi avant « Chanson atroce sur la bombe ». Et la première pièce du bloc, c'était « Hommage au maire de Tours », qui est une ville en France, interprétée par le groupe Comintern. Qu'est-ce que c'est que ça, le groupe Comintern? Comintern comme l'international communiste. Eh bien, Comintern, c'est un groupe de musique français des années 70. Et qui est issu d'une scission. Vous allez rire parce que c'est un groupe trotskiste. scission du groupe Red Noise de Patrick Vian, qui était le fils de Boris Vian. Et oui, Patrick Vian, lui, il fait plein de musique moins connue. Il faisait des albums de musique électronique avec des claviers, là, puis tout, là. C'est surtout de la musique instrumentale. Disons que je qualifierais ça de modérément intéressant, mais quand même, Patrick Vian, le fils de l'autre. Et comme interne, donc, provocateur, contestataire, engagé politiquement, provocateur, je l'ai déjà dit. Et il faisait beaucoup de parodies, dérisions, mise en scène théâtrale, sur scène, sophistiqué. Donc, le groupe a duré 5 ans, en 1970 jusqu'à 1975. Alors, très rare de trouver des disques de ça, comme une terme, avec un K. Oh, parce que tout ce qui est bon a un K. Je sais pas si vous avez entendu, dans la dernière pièce, on a entendu Régis le Pape. Donc, Régis devienne le Pape. Moi, je suis d'accord avec ça. Même qu'on pourrait dire que Régis, c'est un empereur roi, c'est un dieu. Alors, on va écouter justement un bloc consacré à cette facette de l'homme complexe qu'est Régis Labeaume. On commence avec une pièce extraordinaire qui s'appelle « To God Be the Glory ». Si vous avez des commentaires sur cette pièce-là, c'est ce que 01586. Oh là là! Can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you give to prove your love to me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. To God be the glory, to God be the glory, to God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me, with His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life, let it be pleasing more to Thee. And should I gain any praise, let it go to Calvary. With His blood He has saved me, with His powers He has raised me. To God glory for the things He has done. With His blood He has saved me, with His powers He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Tout le monde a pu voir aux nouvelles qu'il y a une personne qui a écrit des propos sur le mur de la bibliothèque qui sont complètement déplacés. Laissez-moi vous dire que je ne laisserai pas passer des choses comme celle-là. J'ai une épouse, j'ai des enfants, j'ai de la famille dans la région au moment particulièrement des vacances d'été. Il n'y a personne qui aimerait voir son nom inscrit sur un édifice public avec des qualificatifs comme celui qu'on a pu voir hier. L'année dernière, on a eu plus de 500 demandes d'accès à l'information. On sait que l'opposition cherche par tous les moyens à essayer de prouver qu'on n'est pas correct, mais c'est la ville qui est administrée d'une façon la plus honnête qu'il n'y a pas. Ils n'ont rien trouvé dans le 500. Hein? S'ils l'avaient trouvé, inquiétez-vous pas, qu'ils l'auraient fait savoir aux médias. Alors, je pense que si c'est comme ça qu'on entame la prochaine campagne électorale, on va frapper un autre char de mur, le mien, parce que je n'accepterai pas que des propos comme ceux-là soient véhiculés publiquement. Laissez-moi vous le dire, ça ne restera pas là. D'ailleurs, la police est sur une bonne piste et j'espère qu'on va faire la lumière sur cette affaire-là. La grève des électeurs. Une chose qui m'étonne prodigieusement, j'oserais dire qu'elle me stupéfie, c'est qu'à l'heure scientifique où j'écris, après les innombrables expériences, après les scandales journaliers, il puisse exister encore dans notre chère France, comme ils disent à la commission du budget, un électeur, un seul électeur, cet animal irrationnel, inorganique, hallucinant, qui consente à se déranger de ses affaires, de ses rêves ou de ses plaisirs pour voter en faveur de quelqu'un ou de quelque chose. Quand on réfléchit un seul instant, ce surprenant phénomène n'est-il pas fait pour dérouter les philosophies les plus subtiles et confondre la raison ? Où est-il le Balzac qui nous donnera la physiologie de l'électeur moderne ? Et le Charcot qui nous expliquera l'anatomie et les mentalités de cet incurable dément ? Nous l'attendons. Je comprends qu'un escroc trouve toujours les actionnaires, la censure des défenseurs, l'opéra comique des dilettantis, le constitutionnel des abonnés, Monsieur Carnot des peintres qui célèbre sa triomphale et rigide entrée dans une cité languedocienne. Je comprends Monsieur Chantavoine s'obstinant à trouver des rimes. Je comprends tout. Mais qu'un député ou un sénateur ou un président de République ou n'importe lequel parmi tous les étranges farceurs qui réclament une fonction élective, quelle qu'elle soit, trouve un électeur, c'est-à-dire l'être irrévé, le martyr improbable, qui vous nourrit de son pain, vous vêt de sa laine, vous engraisse de sa chair, vous enrichit de son argent, avec la seule perspective de recevoir, en échange de ses prodigalités, des coups de trique sur la nuque, des coups de pied au derrière, quand ce n'est pas des coups de fusil dans la poitrine. En vérité, cela dépasse les notions déjà pas mal pessimistes que je m'étais faites jusqu'ici de la sottise humaine. Il y a en effet dans toutes les religions, sans aucune exception, tant de propositions que le fidèle doit croire et qui sont absolument délirantes et tant de pratiques qu'il doit suivre et qui sont ridicules que je n'arrive pas à comprendre qu'un homme ou une femme disposant de quelconque neurone en état de marche puisse réellement croire les unes et se conformer aux autres. Je pense que c'est évident. Je pense que même un croyant peut pas nier ça. Habituellement, ce que font les croyants, par contre, c'est qu'ils disent « Ma religion, c'est pas ça. Je sais que ça, mais ça rentre pas dans le jeu. » Évidemment, la religion peut aussi signifier ça, mais si ça signifie ça, et ça ici désignant soit une croyance parfaitement aberrante, soit une pratique parfaitement aberrante, beaucoup de croyants, à part les fanatiques, vont dire « Ah non, moi, la religion, c'est pas ça. Ça, je me distance de ça. » Et quand la discussion se poursuit habituellement, c'est mon expérience, c'est « Ce n'est pas ça. » De ce n'est pas ça en ce n'est pas ça, et de réduction en réduction, on aboutit à une conception de la religion qui est tellement vague, éthérée, romantique ou spirituelle, entre guillemets, que finalement, ça ne veut plus dire grand-chose. Et à ce moment-là, moi-même, je me dirais religieux, tu vois. Yeah. bae tu mari con le yewa kale o ko yewa o ele tu mari ko yewa o ya ko yewa o tu yewa o La bombe is God, la bombe est le roi empereur de l'univers. J'espère que vous avez apprécié ce bloc. On a entendu Emperor Dele Ojo and his Africa International avec la pièce Jeko Yewa. On a aussi entendu une pièce instrumentale qui s'appelle Emperor Waltz, donc la valse de l'empereur. Avec la grève des électeurs, c'est un texte. Et Jimmy Mitchell nous faisait To God be the glory. To God be the glory. Alors, Jimmy Mitchell, évidemment, vous avez peut-être compris que cet homme n'avait peut-être pas toutes ses facultés intellectuelles, mais il chante très bien. Et donc, qu'est-ce que c'était que ça, que la grève des électeurs, le texte qu'on a entendu? Je sais pas si vous avez fait attention aux paroles. Texte de Octave Mirbeau, écrivain, critique d'art, journaliste français du 19e siècle. C'était un inclassable. C'était quelqu'un qui contestait radicalement les institutions culturelles. C'était aussi quelqu'un de politiquement incorrect, qui était très individualiste et libertaire. C'était un intellectuel critique, subversif et, selon les mots de Jean-Paul Sartre, irrécupérable. Et il s'est battu contre de multiples formes d'aliénation, dont la famille et l'école éducastratrice, l'Église catholique, l'armée, la presse vénale et anesthésiante, le capitalisme industriel et financier, les conquêtes coloniales et le système politique bourgeois, qui ne fait qu'assurer la mainmise d'une minorité sur tout le pays, avec la bénédiction des électeurs moutonniers, plus bêtes que les bêtes. Et il appelle d'ailleurs ses électeurs à faire la grève des électeurs. C'était le titre du texte. Et c'est toujours autant d'actualité, d'ailleurs, des élections s'en viennent. Et Régis Labombe, c'est aussi... qu'est-ce que c'est? On a vu que c'était un dieu. C'était aussi un homme. Et c'est aussi un clown. Et on va écouter le petit clown ridicule du groupe Les Jambons. Oh! Oui, messieurs, dames, et vous êtes à l'émission Le Cirque Aquatique Magique en compagnie de François G. Couillard. C'est pour moi un grand plaisir. On est à l'antenne de CKRL 89.1. Les enfants reçoit du matin jusqu'au soir. Oh, le gros géant assis sur le toit, regardez. Le clown restaurant aimerait beaucoup vous revoir. Il a tellement d'appétit qu'il va bouffer le monde entier. Au fin fond d'une jungle industrielle, perdu entre deux hôtels de carton, il était une fois un petit clown ridicule qui rêvait de devenir champion. Mais champion de quoi? Comment vous ne devinez pas? Champion de la restauration. Il batailla très dur, il fallut jouer des coudes, mais il bâtit un grand fast-food. Pour quelques euros, il employa moult personnes. Équipier, directeur et manager, dans une ambiance sympa, travaillèrent. Il créa ainsi une nouvelle chaîne de restaurants. Ou si tu veux gagner du temps, tu peux même bouffer au volant. L'ami des enfants reçoit du matin jusqu'au soir. Oh, le gros géant assis sur le toit, regardez, ah, le clown restaurant aimerait beaucoup vous revoir. Il a tellement d'appétit qu'il va bouffer le monde entier. Tous les employés savent faire Pierre au nettoyage, David à la cuisson, et c'est les Aurélie, fête d'un anniversaire, où tous les enfants auront un beau ballon, une boîte magique à l'effigie bronze perle du grand maître queue qui fait des frites bien dorées. Mangez-les vite, mangez-les au lance-pierre, car dans 5 minutes elles seront périmées. Salut, c'est moi Cédric, je suis l'employé du mois. Je sais laver là, où je prépare la livre. Je suis apprécié, je manie bien la serpillière. Et j'ai des projets. Avec qui? Avec mon manager. L'ami des enfants reçoit du matin jusqu'au soir. Oh, le gros géant assis sur le toit, regardez. Le clown restaurant aimerait beaucoup vous revoir. Il

Raposo, Raposo, Raposo, the clown. Two traffic kids. Sure looks like fun. Watch me pull a massacre out of my pants. Again? Hey, ça faisait longtemps qu'on l'avait entendu, ça. Une pièce des Dead Kennedys. Dans ce bloc, toujours émission spéciale Régis la bombe. C'est le bloc clownesque, parce que Régis, c'est aussi un peu un clown. On a entendu la pièce Rambozo de Clown de Jello Biafra et les Dead Kennedys. On a entendu Bravo pour le clown des Betty Boop. C'est tiré d'un album qui s'appelle Ma grand-mère est une roqueuse, qui est en fait un album qui reprend des pièces de Fréhel et de Piaf, mais en rock'n'roll par des groupes de la jeunesse triomphante et dynamique. Et on a entendu Le petit clown ridicule des Jambons. Vous aurez compris qu'il parlait évidemment du clown de McDonald's qui a inventé une manière de manger dans son véhicule. Bravo, le petit clown. Je trouvais que la pièce Rambozo de Clown, ça me faisait penser un peu à Régis la bombe, tu sais. Il est drôle, mais en même temps, tu ris un peu jaune. T'as toujours un peu peur de qu'est-ce qui va arriver, de qu'est-ce qu'il va dire. Et dans cette pièce vraiment chouette là, de Jello Biafra, dans le fond, il tourne en dérision. C'est une pièce sur la guerre. Et il dit... il fait des parallèles entre ce qu'on apprend aux enfants et la guerre. War is sexy, war is fun, Iron Ego, Red Dawn, be a Wolverine, you'll rule the hills, just get some guns and Cheerios, and a kid can conquer Libya, just steal a fighter plane. Voilà. C'est sûr que, bon, Régis la bombe est peut-être pas... il n'y a pas encore de milice privée à ses ordres, mais je pense que ça s'en vient. Et à part de ça, qu'est-ce que c'est, Régis la bombe? Eh bien, c'est aussi un homme d'affaires. Allons écouter une pièce, un bloc, consacré à cette facette de l'homme de Régis. God's Away on Business. Someone to pull you out of that ditch. You're out of luck. You're out of luck. Ship is sinking. The ship is sinking. The ship is sinking. There's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Who are the ones that we kept in charge? Killers, thieves, and warriors. God's away. It's a job, it's a job. Money moon rising with the plague and the front. Doing the bob, doing the mob. It's all over. It's all over. It's all over. And gradually in the boiler room, the poor, the lame, the blind, who are the ones that we kept in charge? Killers, thieves, and lawyers. God's a great, God's a great, God's a great on business, business. God's a great, God's a great on business, business. Régis Labeaume s'est présenté aux gens de Québec, aux électeurs, en disant « Moi, je vais gérer la Ville de Québec un peu comme une business. Hein? » Souvent, il donne son numéro de téléphone. « Appelez-moi s'il y a un problème, puis on va essayer de faire en sorte, au niveau business commercial, les entreprises qui ont des idées, qui veulent faire de la business à Québec, que ça aille plus vite, que ça aille mieux, puis on ne mettra pas des bâtons dans les roues. » Ça, le maire Labeaume devrait pogner ça. Comptez sur moi, m'a coupé dans le gras tout ce qui m'apparaît luxueux. Well, if the wife and her are fighting, well, that's all right. 'Cause me and Nancy woman's got a license to fight. Why don't you mind your own business? Mind your own business. Why don't you mind your own business? 'Cause I don't want you minding mine. Oh, the woman on her party line's a nosy old man. She picks up her receiver when she knows it's my rain. Why don't you mind your own business? Mind your own business. Mind your own business. Mind your own business. Why don't you mind your own business? 'Cause I don't want her minding mine. Le maire Régis Labeaume, c'est aussi l'homme d'affaires. D'ailleurs, c'est comme ça qu'a commencé sa carrière, si on veut. Lui, il est sorti de l'université, il s'est ramassé attaché de presse d'un ministre. Quelques années plus tard, il devenait à la tête d'une compagnie minière et il vendait une mine qui était en déficit. Et il est devenu millionnaire instantané, en quelque sorte. Il a fait une passe d'affaires plus ou moins louche, et il est devenu millionnaire. Et aujourd'hui, évidemment, c'est le maire de Québec, mais aussi un peu le roi de l'univers. On a entendu Evelyn White interpréter « Mind your own business, occupe-toi de tes affaires ». Et le groupe Ankana Kunchai faisait « Finishing my business in Burma ». C'est un groupe thaïlandais. Hey! Tom Waits faisait God's Away on Business. Dieu est occupé. Et que dire de plus, hein? Sur ce groupe thaïlandais, tiré d'une compilation thaï, Country Groove from Isan, qui s'intitule. Donc, c'est des pièces thaïlandaises avec un mélange de beat de l'Ouest. Et c'est tous des sons des années 60, 70 et 80. Avec des structures de chansons folk. Alors, c'est assez spécial, c'est intéressant. C'est hypnotique, répétitif et fou. Évidemment, c'est toujours aigu, les vocalises. Alors, plus que c'est aigu, plus on aime ça. Parce que vous écoutez le Cirque Aquatique Magique et ma voix de François Gécouillard est aiguë. Oh! On va va se quitter avec une pièce, encore une pièce atroce. Là, vous allez me dire, pourquoi François, tu nous passes des pièces atroces? Ben parce que des fois, c'est pas la pièce en tant que telle qui est intéressante, c'est peut-être le contexte, c'est peut-être le texte. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles une pièce est extraordinaire. Et dans ce cas-ci, c'est un millionnaire corrompu qui... comment est-ce qu'il s'appelle, ce gars-là? Kim.com. C'est le fondateur de Mega Upload, poursuivi par les États-Unis pour toutes sortes d'affaires, justement pour son site. Pour respecter les droits d'auteur, etc. C'est un gars qui a un passé assez obscur, pas très vraiment sympathique comme personnage. Et, étant donné qu'il était fru, il a fait une chanson. Oui, il a chanté une chanson contre Barack Obama pour dire aux gens de ne pas voter pour Barack Obama aux prochaines élections. Alors, c'est tellement bizarre que je le passe. La pièce s'intitule Mr. President. Et on se quitte là-dessus pour réécouter cette émission ainsi que toutes les autres. Jeunefou.blogspot.com. À la semaine prochaine. The war for the internet has begun. Hollywood is in control of politics. The government is killing innovation. Don't let them get away with that. With you.